Le soleil, c'est mon roi, amour, c'est sa science, qui saurait mieux que ça défendre sagesse, expérience, qui soit Dieu ou prélat, fameux gourou, sainte obédience, vizir ou grand yaka, dégénéré, fou de puissance. Pendant que ces gens-là délirent et font la loi en guise de beaux jours, ils assomment toujours. Le soleil brillonde, l'amour abonde sur les têtes brunes blondes. La vie, le monde, c'est mon cœur, c'est ma foi, mon âme, mon existence, qui saurait mieux que ça me bercer dans la confiance, qui soit Coran ou Torah, Bible, alchimie ou décadence, oracle ou langue bois, sirène, fée, magnificence. Allons donc, pourquoi, en censer ces choses-là, les génies, les miroirs, ont fait tant de dégâts, qu'il faudrait encore des bombes, des ombres, des tombes, pour stopper cette hécatombe, ce bruit qui gronde à la croisée des grands voies. Égaré, vidé, sans essence, qui saurait mieux que ça me conduire dans le bon sens. On tire de part des boîtes, des élixirs, pas de jouvence. Leader ou chef d'État, machiavélique, plein d'arrogance. Le soleil est bien là, personne ne l'avouera, ni trop ni qu'aux histoires, reflète mais ne disent pas. Ces rayons d'amour sur l'onde font vivre la ronde, qui à terre abuse l'immonde chaque seconde. Le soleil, c'est mon roi, l'amour, c'est sa science, qui saurait mieux que ça défendre sagesse, expérience. La la la la la.